Chapitre 153e, de 6 à 9 heures du matin. À peine mandat tué, la commune avait nommé Santerre commandant général à sa place, et Santerre avait aussitôt fait battre la générale dans toutes les rues et donné l'ordre de redoubler le tocsin dans toutes les églises. Puis, il avait organisé des patrouilles patriotes, avec ordre de pousser jusqu'aux Tuileries et d'éclairer surtout l'Assemblée. Au reste, des patrouilles avaient, toute la nuit, parcouru les environs de l'Assemblée nationale. Vers 10 heures du soir, on avait arrêté aux Champs-Élysées un rassemblement de 11 personnes armées, 10 de poignards et de pistolets, la 11e d'une espingole. Ces 11 personnes se laissèrent prendre sans résistance et conduire au corps de garde défaillant. Pendant le reste de la nuit, 11 autres prisonniers furent faits. On les avait mis dans 2 chambres séparées. Au point du jour, les 11 premiers trouvèrent moyen de s'évader en sautant de leurs fenêtres dans un jardin et en brisant les portes de ce jardin. 11 restèrent donc plus solidement enfermés. À 7 heures du matin, on amena dans la cour des Feuillants un jeune homme de 29 à 30 ans, en uniforme et en bonnet de garde nationale. La fraîcheur de son uniforme, l'éclat de ses armes, l'élégance de sa tournure l'avaient fait soupçonner d'aristocratie et avaient amené son arrestation. Au surplus, il était fort calme. Un nommé Bonjour, ancien commis à la marine, présidait ce jour-là la section des Feuillants. Il interrogea le garde national. « Où vous a-t-on arrêté ?» lui demanda-t-il. « Sur la terrasse des Feuillants, » répondit le prisonnier. « Que faisiez-vous là ? » ?»« Je me rendais au château. » »« Dans quel but ?» ?»« Afin d'obéir à un ordre de la municipalité. » »« Que vous enjoigniez cet ordre ?» De vérifier l'état des choses et d'en faire mon rapport au procureur général syndic du département. « Avez-vous cet ordre ? Le voici. » Et le jeune homme tira un papier de sa poche. Le président déplia le papier et lut. « Le garde national porteur du présent ordre se rendra au château pour vérifier l'état des choses et en faire son rapport à M. le procureur général syndic du département. » Bory, Leroux, officiers municipaux. L'ordre était positif. Cependant, on craignait que les signatures ne fussent fausses, et on envoya à l'hôtel de ville un homme chargé de les faire reconnaître par les 2 signataires. Cette dernière arrestation avait amassé beaucoup de monde dans la cour des Feuillants, et au milieu de cette multitude, quelques voix, il y a toujours de ces voix-là dans les rassemblements populaires, quelques voix commencèrent à demander la mort des prisonniers. Un commissaire de la municipalité qui se trouvait là comprit qu'il ne fallait pas laisser ces voix prendre de consistance. Il monta sur un tréteau pour haranguer le peuple et l'engager à se retirer. Au moment où la foule allait peut-être céder à l'influence de cette parole miséricordieuse, l'homme envoyé à l'hôtel de ville pour la vérification de la signature des 2 municipaux revint en disant que l'ordre était bien réel et que l'on pouvait mettre en liberté le nommé Sulot qui en était porteur. C'était le même que nous avons vu pendant cette soirée chez Madame de Lamballe, où Gilbert fit pour le roi Louis XVI un dessin de la guillotine, et où Marie-Antoinette reconnut, dans cet instrument étrange, la machine inconnue que Cagliostro lui avait montrée dans une carafe au château de Tavernay. À ce nom de Sulot, une femme perdue dans la foule releva la tête et poussa un cri de rage. « Sulot » cria-t-elle. « Sulot, le rédacteur en chef des Actes des Apôtres ? Sulot, un des assassins de l'indépendance liégeoise ? À moi, Sulot, je demande la mort de Sulot !» La foule s'ouvrit pour faire place à cette femme, petite, chétive, vêtue d'une amazone aux couleurs de la garde nationale, armée d'un sabre qu'elle portait en bandoulière. Elle s'avança vers le commissaire de la municipalité, le força de descendre du tréteau et monta à sa place. À peine de sa tête eut-elle dominé la foule, que la foule ne jeta qu'un seul cri « Théroigne !» En effet, Théroigne était la femme populaire par excellence. Sa coopération au 5 et 6 octobre, son arrestation à Bruxelles, son séjour dans les prisons autrichiennes, son agression en 20 juin, lui avaient fait une popularité si grande que Sulot, dans son journal railleur, lui avait donné pour amant le citoyen populus, c'est-à-dire le peuple tout entier. Il y avait là une double allusion à la popularité de Théroigne et à la facilité de ses mœurs que l'on accusait d'être excessive. En outre, Sulot avait publié à Bruxelles le Tocsin des Rois, et avait aidé ainsi à écraser la révolution liégeoise et à remettre sous le bâton autrichien et la mitre d'un prêtre un noble peuple qui voulait être libre et français. Justement, à cette époque-là, Théroigne était en train d'écrire le récit de son arrestation et en avait déjà lu quelques chapitres aux Jacobins. elle demanda non seulement la mort de Sulot, mais encore celle des 11 prisonniers qui étaient avec lui. Sulot entendait retentir cette voix qui, au milieu des applaudissements, réclamait sa mort et celle de ses compagnons. Il appela, à travers la porte, le chef du poste qui le gardait. Ce poste était de 200 hommes de garde nationale. « Laissez-moi sortir, » dit-il, « je me nommerai. On me tuera et tout sera dit. Ma mort sauvera 11 existences. » On refusa de lui ouvrir la porte. Il essaya de sauter par la fenêtre. Ses compagnons le tirèrent en arrière et le retinrent. Il ne pouvait croire qu'on les livrerait froidement aux égorgeurs. Il se trompait. Le président Bonjour, intimidé par les cris de la multitude, fit droit à la réclamation des Théroignes en défendant la garde nationale de résister à la volonté du peuple. La garde nationale obéit, s'écarta et en s'écartant, livra la porte. Le peuple se précipita dans la prison et au hasard s'empara du premier venu. Ce premier venu était un abbé nommé Bouillon, auteur dramatique, également connu par les épigrammes du cousin Jacques et par les chutes que les trois quarts de ses pièces avaient éprouvées au théâtre de la Montansier. C'était un homme colossal. Arraché d'entre les bras du commissaire de la municipalité, qui essayait de le sauver, il fut entraîné dans la cour et commença contre ses égorgeurs une lutte désespérée. Quoiqu'il n'eût d'autre arme que ses mains, deux ou trois de ces misérables furent mis par lui hors de combat. Un coup de baïonnette le cloua à la muraille. Il expira sans que ces derniers coups puissent atteindre ses ennemis. Pendant cette lutte, deux des prisonniers parvinrent à s'échapper. Celui qui succéda à l'abbé Bouillon était ainsi devant garde du roi nommé Solmignac. Sa défense fut non moins vigoureuse que celle de son prédécesseur. Sa mort n'en fut que plus cruelle. Puis on en massacra un troisième, dont le nom est resté inconnu. Sulot vint le quatrième. « Tiens !» dit une femme à Théroigne, « le voilà ton Sulot !» Théroigne ne le connaissait pas de visage. Elle le croyait prêtre et l'appelait l'abbé Sulot. Comme un chat-tigre, elle s'élança et le prit à la gorge. Sulot était jeune, brave et vigoureux. Il jeta d'un coup de poing Théroigne à 10 pas de lui, se débarrassa par une violente secousse de 3 ou 4 hommes acharnés sur lui, arracha un sabre des mains des assassins et de ses deux premiers coups étendit à terre 2 égorgeurs. Alors commença une lutte terrible. Toujours gagnant du terrain, toujours s'avança vers la porte, Sulot se dégagea 3 fois. Il l'atteignit, cette malheureuse porte, mais obligé de se retourner pour l'ouvrir, il s'offrit un instant sans défense à ses assassins. Cet instant suffit à 20 sabres pour lui traverser le corps. Il tomba aux pieds de Théroigne, qui eut cette cruelle joie de lui faire sa dernière blessure. Le pauvre Sulot venait de se marier, il y avait 2 mois, à une femme charmante, fille d'un peintre célèbre, Adèle Hall. Tandis que Sulot luttait ainsi contre les égorgeurs, un troisième prisonnier avait trouvé moyen de s'évader. Le cinquième, qui apparut traîné hors du corps de garde par les assassins, fit jeter à la foule un cri d'admiration. C'était un ancien garde du corps, nommé Duvigier, que l'on n'appelait que le beau Vigier. Comme il est aussi brave que beau, aussi adroit que brave, il lutta plus d'un quart d'heure, tomba 3 fois, se releva 3 fois, et dans toute la largeur de la cour, teignit chaque pavé de son sang, mais aussi de celui de ses assassins. Enfin, comme Sulot, écrasé par le nombre, il succomba. La mort des 4 autres fut un simple égorgement. On ignore leur nom. Les 9 cadavres furent traînés sur la place Vendôme, où on les décapita, puis leurs têtes, mises sur des pics, furent promenées dans tout Paris. Le soir, un domestique de Sulot racheta pris dehors la tête de son maître et parvint, à force de recherche, à retrouver le cadavre. C'était la pieuse épouse de Sulot, enceinte de 2 mois, qui demandait à grands cris ses précieux restes pour leur rendre les derniers devoirs. Ainsi, avant même que la lutte fût commencée, le sang avait déjà coulé à 2 endroits, sur les marches de l'hôtel de ville, dans la cour des Feuillants. Nous allons le voir couler aux Tuileries tout à l'heure, après la goutte, le ruisseau, après le ruisseau, le fleuve. Juste au moment où ces meurtres s'accomplissaient, c'est-à-dire entre 8 et 9 heures du matin, 10 ou 11 000 gardes nationaux, réunis par le tocsin de Barbaroux et par la générale de Santerre, descendaient la rue Saint-Antoine, franchissaient cette fameuse arcade Saint-Jean si bien gardée la nuit précédente et débouchaient sur la place de Grève. Ces 10 000 hommes venaient demander l'ordre de marcher sur les Tuileries. On les fit attendre 1 heure. 2 versions couraient dans la foule. La première, c'est qu'on espérait des concessions du château. La seconde, c'est que le faubourg Saint-Marceau n'était pas prêt et qu'on ne devait pas marcher sans lui. Un millier d'hommes à pic s'impatienta. Comme toujours, les plus mal armés se trouvaient être les plus ardents. Ils percèrent les rangs de la garde nationale, disant qu'ils se passeraient d'elle et prendraient seuls le château. Quelques fédérés marseillais et 10 ou 12 gardes françaises, de ces mêmes gardes françaises qui, 3 ans auparavant, avaient pris la Bastille, se mirent à leur tête et furent, par acclamation, salués chefs. Ce fut l'avant-garde de l'insurrection. Cependant, l'aide de camp qui avait vu assassiner Mandat était revenu aux Tuileries à Franquetrier. Mais ce n'était qu'au moment où, après cette promenade néfaste dans les cours, le roi était rentré chez lui et la reine chez elle, qu'il avait pu les joindre et leur annoncer la sombre nouvelle. La reine éprouvait ce qu'on éprouve chaque fois que l'on vous annonce la mort d'un homme qu'on vient de quitter il y a un instant. Elle n'y pouvait croire. Elle se fit raconter la scène une première fois, puis une seconde fois dans tous ses détails. Pendant ce temps, le bruit d'une rixe montait jusqu'au premier étage et entrait par les fenêtres ouvertes. Les gendarmes, les gardes nationaux et les canonniers patriotes, ceux qui avaient crié « Vive la nation, enfin !» commençaient à provoquer les royalistes en les appelant « Messieurs les grenadiers royaux », disant qu'il n'y avait parmi les grenadiers des fils Saint-Thomas et ceux de la butte des Moulins que des hommes vendus à la cour, et comme on ignorait encore en bas la mort du commandant général, qui était déjà su au premier étage, un grenadier s'écria tout haut « Décidément, cette canaille de Mandat n'a envoyé au château que des aristocrates !» Le fils aîné de Mandat était dans les rangs de la garde nationale. Nous avons vu où était le plus jeune. Il essayait, mais inutilement, de défendre son père sur les marches de l'hôtel de ville. À cette insulte faite à son père absent, le frère aîné s'élança hors des rangs le sabre haut. 3 ou 4 canonniers se jetèrent au-devant de lui. Weber, le valet de chambre de la reine, était là en garde nationale parmi les grenadiers de Saint-Roch. Il vola au secours du jeune homme. On entendit un cliquetis de sabre. La querelle se dessinait entre les deux parties. La reine, attirée à la fenêtre par le bruit, reconnut Weber. Elle appela Thierry, le valet de chambre du roi, et lui ordonna d'aller chercher son frère de lait. Weber monta et raconta tout à la reine. En retour, la reine lui annonça la mort de Mandat. Le bruit continuait sous les fenêtres. « Vois donc ce qui se passe, Weber, » dit la reine. « Ce qui se passe, madame, voilà les canonniers qui abandonnent leurs pièces et qui enfoncent de force un boulet. Et comme les pièces ne sont pas chargées, voilà maintenant des pièces hors de service. » « Que penses-tu de tout cela, mon pauvre Weber ?»« Je pense, » dit le bon Autrichien, « que votre majesté devrait consulter M. Roderer, qui me paraît encore un des plus dévoués qu'il y ait au château. » « Oui, mais où lui parler sans être écouté, espionné, interrompu ?»« Dans mon appartement, si la reine le veut, » dit le valet de chambre Thierry. « Soit, » dit la reine. Puis, se retournant vers son frère de lait, « Va me chercher M. Roderer, » dit-elle, « et amène-le chez Thierry. » Et tandis que Weber sortait seul par une porte, la reine sortait par l'autre, suivant Thierry. 9 heures sonnait à l'horloge du château.